بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة الكلام فيما يتعلق بباب صلاة الاستسقاء. On continue, oh cher frère, concernant le d'aborder le sous-chapitre concernant la prière lié à la demande de la pluie. L'auteur, rahimahullah, qui nous cite le premier hadith et qui dit « An Abdillah ibn Zayd ibn Asim al-Maziniyyi qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu thumma salla rak'atayn jahara fihima bil-qira'ah wa fi lafdhin ila al-musalla. » Selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Maziniyyi, radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti demander, faire la demande de la pluie. Il s'est tourné vers la Qibla, en direction de la Qibla, pour invoquer. Et il a mis son rida, donc sa cape, et il a retourné sa cape, c'est-à-dire qu'il l'a mise à l'envers. Puis, il a accompli deux unités de prière, pour lesquels il récitait à haute voix. Donc, durant lesquels il récitait à haute voix, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre narration, il s'est dirigé vers le lieu de prière, al-musalla. C'est-à-dire, ce n'était pas la mosquée. هذا الحديث أيها الإخوة دليل لما ذهب إليه الجمهور وهو استحباب صلاة الاستسقاء. Ce hadith, ô chers frères, est une preuve pour l'avis de Al-Jumhur, la majorité des savants. Et leur avis est que la prière de la demande de la pluie est recommandée. Ce hadith est une preuve montrant que cette prière est recommandée. خالفهم أبو حنيفة رحمه الله فقال بعدم مشروعية الصلاة للاستسقاء وإنما يشرع الدعاء. Abu Hanifa, rahimahullah, il s'est opposé à eux. Et il a dit qu'il n'est pas légiféré d'accomplir une prière pour la demande de la pluie. Mais par contre, ce qui est légiféré, c'est qu'il est légiféré d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. I'tamada fi dhalika 'ala al-hadith al-thani alladhi dhakarahu al-mu'allif rahimahullah fi hadha al-bab. Li'anna al-hadith al-thani ay hadith Anas. Et donc Abu Hanifa rahimahullah, il s'appuie pour cet avis sur le deuxième hadith que l'auteur Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, il cite dans ce sous-chapitre, le sous-chapitre concernant la prière de la demande de la pluie. Dans ce deuxième hadith, le hadith de Anas qu'on verra au prochain cours inshallah, il n'y a pas la citation de la prière. Il y a juste l'invocation, mais la prière n'est pas citée. Et donc Abu Hanifa rahimahullah, il s'est appuyé, il s'est basé sur ce hadith pour cet avis. لكن الصحيح أنه يجوز هذا ويجوز ذاك الأمران واردان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Cependant, l'avis le plus juste est qu'il est permis cela, c'est-à-dire qu'il est permis de faire la prière, et il est permis l'autre méthode, c'est-à-dire juste d'invoquer. Car les deux méthodes ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'avis le plus juste est l'avis de Al-Jumhur, la majorité des savants. Wa yu'khadhu min al-hadith aydan istihbab al-khuruj ila al-musalla li salat al-istisqa. Et donc on peut aussi tirer de ce hadith le fait qu'il est recommandé de sortir, d'accomplir la prière de la demande de la pluie à l'extérieur de la mosquée, dans un lieu de prière à l'extérieur de la mosquée. ويستفاد من الحديث أيضا استحباب تحويل الرداء وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الحكمة في ذلك هو التفاؤل بتغيير الحال كما أن الإمام غير حاله أو تغير حاله. Et donc, on peut aussi tirer de ce hadith le fait qu'il est recommandé de retourner sa cape. Le fait qu'il ait recommandé pour l'imam de retourner sa cape. Et certes, les gens de science, ils ont cité, beaucoup de gens de science ont cité que la sagesse en cela, c'est l'optimisme quant au fait que la situation va changer de la même façon que celle de l'imam a changé. وَالسُنَّةُ فِي دُعَاءِ الْإِسْتِسْقَاءِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو. Et donc la sunna, lorsqu'on fait l'invocation de la demande de la pluie, lorsqu'on fait l'invocation, la sunna, c'est de se tourner vers en direction de la qibla. La sunna, c'est de se tourner en direction de la qibla, comme cela a été cité dans le hadith de Abdullah ibn Zayd qu'on a vu aujourd'hui. Dans ce hadith, Abdullah ibn Zayd qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné en direction de la qibla lorsqu'il invoquait. وكذلك ورد ذلك في حديث أنس الذي سنراه غدا إن شاء الله تعالى. Et aussi cela a été cité dans le hadith de Anas qu'on verra demain إن شاء الله تعالى, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en direction de la Qibla. وفي هذا الحديث الاستحباب بالجهر للقراءة. Il y a dans ce hadith aussi le fait qu'il est recommandé, d'accomplir la prière à voix haute. Le fait qu'il est recommandé d'accomplir la prière à voix haute. Les savants, ils nous disent وَهَذَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْجَمَاعَةِ. Ils nous disent, et cela, c'est comme les autres prières recommandées pour lesquelles il est légiféré de les accomplir en groupe. Et donc, les prières recommandées pour lesquelles il est légiféré de les accomplir en groupe, et bien ces prières-là, on peut les faire à voix haute. Amma ma la yushra'u lahu al-jama'a min salawati an-nahari fa sunnatu fiha al-israr. En ce qui concerne les prières dont il n'est pas légiféré de les accomplir en groupe, alors la sunna concernant ces prières qui sont accomplies durant la journée, c'est qu'elles soient faites à voix basse. Thumma اختلف العلماء في الخطبة هل هناك خطبة لصلاة الاستسقاء أم لا. Ensuite, les savants, ils ont divergé concernant la khutbah, concernant le sermon. Est-ce qu'il y a un sermon qui est lié à la prière de la demande de la pluie ou pas? فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم وجود الخطبة للاستسقاء كما أن لا صلاة له. Et donc Abu Hanifa رحمه الله, il voit qu'il n'est pas légiféré d'accomplir un sermon pour la demande de la pluie, de la même façon qu'il n'est pas légiféré de faire la prière. On a vu précédemment Abu Hanifa, il voit qu'il n'y a pas de prière. Et donc, la même chose, il n'y a pas de sermon pour la demande de la pluie. C'est juste une invocation. C'est juste le fait d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amma al-jumhur fadhahabu ila mashru'iyyati al-khutbati لكنهم اختلفوا فيها متى تقام. Cependant, le jumhur, la majorité des savants, et donc ils voient que il est légiféré d'accomplir un sermon pour la prière de la demande de la pluie. Mais ils ont divergé quant à ce sermon. Quand pouvons-nous l'accomplir? فهل تقام قبل الصلاة ou بعد الصلاة? Est-ce que ce sermon va être accompli, va être fait avant la prière ou après la prière? Voilà la divergence. فذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخطبة بعد الصلاة كالعيدين والكسوف. Et donc la majorité, c'est-à-dire les savants de l'école malikite, shafi'ite et aussi hanbalite, ils voient que la khutba, elle est accomplie après la prière. Le sermon est accompli après la prière, comme pour les deux rides et comme pour la prière de l'éclipse. Daliluhum حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود قال صلى ركعتين كما يصلي في العيد. Leur preuve en cela, c'est le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. Dans Sunan Abi Daoud, Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli deux unités de prière comme il le faisait pour Al-Eid. Wa min al-ma'ruf anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana fi al-Eidayn yakhtubu ba'da as-salah. Et certes, il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des deux Eid, il faisait le sermon après la prière. Il faisait le serment après la prière. Et donc, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que, aussi, la prière de la demande de la pluie, le serment qui est lié à cette prière va être fait après la prière. لكن هذا الحديث من طريق هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة ولم يوثقه معتبر فالحديث لا يصح. Cependant, ce hadith, la chaîne de transmission de ce hadith passe par Hisham ibn Ishaq ibn Abdillah ibn Kinana. Et cet homme-là, il n'y a pas d'éloge suffisamment forte qui permette qu'on accepte sa narration. Il n'y a pas d'éloge suffisamment forte qui permette qu'on accepte sa narration venant des gens de science. Et donc, le hadith n'est pas authentique. Le hadith n'est pas accepté. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. Et donc ils se sont aussi appuyés pour cela, donc pour dire que le sermon se fait après la salat, ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qu'a rapporté Ibn Majah dans son Sunan, ainsi que l'imam Ahmed dans son Musnad. Et donc, il dit Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la demande de la pluie, qu'il a prié avec nous deux unités de prière, sans Eden ni Iqama, puis qu'il a fait un sermon et qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal. Et donc, on voit ici clairement que le sermon, il est après la prière. فهذا الحديث من طريق النعمان بن راشد وهو ضعيف خاصة فيما يرويه عن الزهري ففيه من التخليط ما هو كثير. Et donc, cependant, ce hadith, la chaîne de transmission aussi, elle passe par An-Nu'man ibn Rashid. Et An-Nu'man ibn Rashid, cet homme n'est pas fiable. Il est faible, particulièrement dans ses narrations qu'il rapporte de Az-Zuhri. Lorsqu'il rapporte des narrations qu'il a pris de Zuhri, alors il y a beaucoup d'erreurs et il se mélange beaucoup dans ces narrations-là. Et donc, ce hadith est faible. وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. Ce hadith a été jugé faible par le Cheikh الألباني رحمه الله تعالى. وذهب الإمام أحمد. هذا هو القول الأول. Et donc ça c'est le premier avis. Le premier avis qui stipule que le sermon il est fait après la salat. Comme on a vu, ils ont deux preuves et les deux preuves. Donc, on a cité que les deux hadiths sur lesquels ils se sont appuyés sont deux hadiths faibles. طيب. Donc, nous continuons le deuxième avis. فذهب الإمام أحمد والليث ابن سعد إلى أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, ainsi que Layth ibn Sa'ad, et donc, ils voient tous les deux, donc l'imam Ahmed dans sa deuxième narration, puisque l'imam Ahmed ici, il a deux avis. Et donc, l'imam Ahmed ainsi que Layth ibn Sa'ad, ils voient que le sermon se fait avant la salat. Le sermon de la prière, de la demande de la pluie, le sermon se fait avant la prière, comme pour le Jumu'ah. Istadallu bi hadith al-bab. وإن كان حديث الباب لم تذكر فيه الخطبة، لكن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Et donc ils se sont appuyés, donc pour dire que le serment se fait avant la prière, ils se sont appuyés sur le hadith de Abdullah ibn Zayd qu'on a vu aujourd'hui. Et donc dans ce hadith, cependant ce hadith il ne cite pas le serment. Abdullah ibn Zayd, dans le hadith qu'on voit aujourd'hui, Abdullah ibn Zayd ne cite pas le sermon. Mais par contre, ce qu'il dit Abdullah ibn Zayd, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour accomplir la demande de la pluie. Il s'est dirigé vers la Qibla lorsqu'il invoquait, il a retourné sa cape, puis a accompli deux unités de prière dans lesquelles il récitait à voix haute. فأنتم تلاحظون أن عبد الله ذكر الصلاة في آخر الحديث وذكر اللفظ ثم. Et donc vous remarquez que Abdullah, rahimahullah, radiallahu anhu, il a cité la prière à la fin du hadith. Et il a aussi utilisé le terme puis. Puis il a accompli deux unités de prière. Ce qui montre que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait après. فهذا هو الدليل الأول. Et donc ça c'est la première preuve qu'ils ont utilisée. واستدلوا أيضا بما هو أصرح من ذلك وهو حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود. Et donc ils se sont aussi appuyés pour cet avis sur un hadith qui est beaucoup plus clair que celui qu'on vient de citer. C'est le hadith de Aïcha رضي الله عنها dans le recueil de Abu Daoud. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وفكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. Et donc, ici, Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti lorsque une partie du soleil apparaissait. Donc le soleil, il commençait à peine à se lever. Une partie du soleil apparaissait. Il est sorti, il s'est tenu donc sur le mimbar, a fait le takbir, il a dit Allahu Akbar, puis il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a dit, certes, vous vous êtes plaint de la sécheresse de vos demeures. Et le retard de la pluie par rapport donc à son habitude, la pluie qui venait donc avant cela, normalement. Et donc, et Allah Azza wa Jal, il vous a ordonné de l'invoquer. Et il vous a promis de vous exaucer. ثم قال ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم, le maître. الرحمن الرحيم, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين, le maître du jour de la rétribution. لا إله إلا الله يفعل ما يريد, nulle divinité n'est en droit d'être adorée en dehors d'Allah, il fait ce qu'il veut. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. Oh Allah, oh Allah, tu es Allah, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. Tu es le riche, celui qui se passe de tous. Et nous sommes al-fuqara, ceux, les pauvres, et qui avons besoin de toi. Anzil alayna al-ghayth, wajhal ma anzaltahu quwwatan wa balaghan ila hin. Fais descendre sur nous la pluie, et fais que ce que tu fais descendre soit pour nous profitable et durable. Thumma rafa'a yadayhi, falam yazal fi ar-raf'i hatta bada bayad ibtayhi. Et donc, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et n'a cessé de les lever jusqu'à ce qu'apparaissent la blancheur de son de ses aisselles. Thumma hawwala ila an-nas dhahrahu wa hawwala rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi. Puis il a et donc il a donné aux gens son dos et il a retourné sa cape et il a et alors qu'il levait les mains ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. Puis il s'est retourné vers les gens, il est descendu, donc il est descendu du minbar et il a accompli deux unités de prière. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله. Et ensuite Allah تبارك وتعالى a créé un nuage, il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs et il a plu par la volonté d'Allah. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح وفيه تقديم الخطبة على الصلاة. Et donc ce hadith, ô chers frères, c'est un hadith qui est authentique et il y a dans ce hadith le fait que la khutba, le sermon, est fait avant la prière, comme pour le Jumu'ah. Comme pour le Jumu'ah. Et d'ailleurs, ce sujet-là, il faut savoir que le grand savant Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, il a envoyé un écrit dans lequel il conseillait l'imam Malik. Et parmi les sujets sur lesquels il a conseillé l'imam Malik, il y a ce sujet-là. Le fait que l'imam Malik, rahimahullah, il voyait que le sermon pour la prière de la demande de la pluie se faisait après la prière. Et donc, Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, l'a conseillé et lui a envoyé donc son argumentation à ce sujet. وذهب بعض العلماء كالعلامة النجمي رحمه الله إلى الجمع بين القولين. Et donc il y a certains savants comme l'érudit Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, certains de ces savants donc qui voient que qui rassemblent les deux avis, qui rassemblent les deux avis. فقال بجواز الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة. Et donc il dit, le Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, il dit qu'il est permis d'accomplir le sermon avant la salat, mais aussi après celle-ci. Parce qu'il y a les hadiths rapportés des deux côtés. وَالرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدْ فِي رِوَايَةٍ لَهُ وَالْلَيْثُ إِبْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهِ. Et donc l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est l'avis qu'a cité donc l'imam Ahmed dans une de ses deux narrations, ainsi que Al-Layth ibn Sa'd, l'imam Layth ibn Sa'd rahimahullah. Et donc cet avis qui stipule que la khutba, le sermon, se fait avant la prière. Et donc pour éviter qu'on se mélange. Fait al khutbatu qabla salat lil jumu'ati wal istisqa. Et donc, pour éviter qu'on se mélange, petite révision très rapide en deux mots. Le sermon se fait avant la prière pour la prière du Jumu'ah et pour la demande de la pluie. Wa ba'd as-salati lil 'idi wal kusuf. Et le sermon se fait après la salat pour les deux prières du 'id et pour la prière de l'éclipse. Et donc voilà. Pour le cours d'aujourd'hui, on arrête là et notre rendez-vous demain, inshallah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.